Bonjour. C'est une intervention sur le sujet argent et gratuité dans l'acte thérapeutique. Et c'est une intervention individuelle, mais elle tire parti de l'expérience et des débats de la sous-commission psy, soins et accueil et d'autres expériences militantes. Et donc l'intitulé est volontairement général car l'ambition est de couvrir des sujets en apparence disparates, hein, comme tels que la rémunération des soins et des activités de consultation, la loi santé, la loi Touraine, l'ordre des médecins, l'exercice militant et la médecine du soutien en l'exercice militant de la médecine et du soutien en personne, des sujets qui ont traversé nos présences et nos actions pendant les 108 jours de Nuit debout. Et j'espère que la discussion qui s'en suivra va préparer notre rendez-vous de septembre et la continuité de la présence du mouvement dans l'espace public. J'esquisserai donc les quatre concepts de l'intitulé dans une tentative de baliser cette discussion. L'acte, qu'est-ce qu'un acte ? C'est un mot qui renvoie à une dizaine de définitions différentes. Notre présence ici est un acte. Et dans le champ de signification de l'acte, on retrouve l'action, son résultat, le débat, l'engagement, la scène de théâtre aussi, et les écrits qui rendent compte de tout ça, et aussi les décisions juridiques ou politiques. L'acte thérapeutique n'existe pas en tant que tel. Mais il y a l'acte médical qui se définit par sa finalité thérapeutique, c'est-à-dire l'apport du soin. L'acte médical peut se définir soit par ses conditions préalables, par ses effets et ou par sa finalité. Alors ces effets ne sont que rétroactifs, alors que la finalité répond à une injonction. La prévention, la guérison ou le soulagement des maladies et des infirmités des êtres humains. Les conditions préalables de l'acte, en revanche, sont définies de manière positive. Formation, cadre administratif et légal, éthique et responsabilité. Alors, la dernière condition est celle qui se prête plus au débat. Toutes les trois conditions se réfèrent à la médiation de l'acte médical par un tiers social constitué sur le plan symbolique, imaginaire et politique en tant qu'entité collective. La tâche de soulager la souffrance humaine au sens large, qui implique un certain degré d'intimité entre individus, concerne aujourd'hui plusieurs groupes d'acteurs professionnels ou fonctionnels. Dans les pratiques qui émanent de ces fonctions, des actes sont posés. Il n'est pas, cependant, à mon avis, judicieux d'assimiler toutes ces pratiques linéairement aux actes médicaux. Mais leur conceptualisation s'inspire en partie de l'acte médical. Par ailleurs, la notion d'acte médical tend aujourd'hui à s'élargir pour les médecins à toutes les actions et démarches scientifiques d'enseignement, de formation et de pédagogie accomplies afin de promouvoir la santé des individus, des groupes ou des communautés. Alors, cette extension du concept, rendue nécessaire par l'évolution sociale, à mon avis, elle est faible sur le plan méthodologique. Alors, selon l'acception générale, qui est d'ailleurs bien soulignée par les représentants de l'establishment médical, dont l'ancien président Glorion, pas très progressiste, de l'Ordre des médecins, c'est que la médecine ne se vend pas, elle est un service. Cette précision, cependant, ne répond pas aux problèmes sanitaires de nos sociétés, compte rendu que dans le néolibéralisme, le débat public porte sur plutôt sur le caractère public ou privé du déploiement et du financement des services. Aussi, certains aspects mercantiles de la médecine, quel que soit son mode d'être pratiqué, sont indéniables, dont par exemple la tarification et la nomenclature des actes médicaux. Alors, une stricte dichotomie entre une médecine purement libérale, régie par un contrat duel de gré à gré entre le patient et le médecin, d'une part, et d'autre part, une médecine du tiers payant est, à mon avis, aujourd'hui dépassée. Car, d'une part, le tiers payant s'étend de plus en plus, et d'autre part, les principes de l'économie privée régissent de plus en plus toute activité de soins qui désormais s'appelle, selon le texte de la loi Touraine, offre de soins au public. Donc, il n'y a plus de distinction entre soins publics et soins privés dans ce texte. Mais il n'empêche que les aspects symboliques, imaginaires et réels de cette ancienne dichotomie sont bien présents, comme témoignent tous les débats autour de cette loi santé. Et les syndicats des médecins, même ceux qui se prévalent d'une approche sociale du soin, se sont trouvés divisés sur cette question. Le rôle aussi de l'argent dans la relation du soin est toujours très présent, quelle que soit la forme de cet argent, c'est-à-dire que ce soit de l'argent matériel ou dématérialisé sous forme de télétransmission de feuilles de soins, que ce soit à paiement direct ou à paiement différé. C'est toujours de l'argent. Et donc, pour articuler une critique cohérente du système actuel des soins, il est à mon avis nécessaire de se référer explicitement à une théorie de l'argent et de la valeur. La radicalité d'une telle critique émane de l'actualisation de l'œuvre de Karl Marx, et notamment la critique de l'économie politique et le capital. Alors, contrairement à une certaine tradition qui a consacré des formes de société bureaucratique et autoritaire, la lecture de Marx ne doit pas se focaliser uniquement sur le statut propriétaire des moyens de production, ni uniquement sur l'extorsion par ces propriétaires d'une partie du fruit du travail des travailleurs. Cette idée existait déjà chez les économistes bourgeois, chez Adam Smith et Ricardo. Et la nouveauté de la théorie marxienne réside dans le statut et la fonction de l'argent dans la société. L'argent, selon Marx, n'est pas perçu comme un objet qui s'échange entre des acteurs économiques individuels, mais comme un rapport global qui régit la distribution des richesses et du pouvoir entre groupes au sein de la société toute entière. Par conséquent, l'argent échangé entre deux ou plusieurs acteurs dans le cadre d'une relation de soins ne régit pas simplement la relation entre ces acteurs, mais les relations entre les groupes sociaux. Ainsi, il ne s'agit pas simplement d'une reconnaissance, comme prétendent plusieurs défenseurs du système social bourgeois et capitaliste, une reconnaissance dite symbolique du travail effectué par le soignant au bénéfice d'un patient précis, mais plus largement de la consécration du rôle social d'un groupe professionnel. Et la gratuité alors? La gratuité d'un acte de soin ou de soutien à une personne qui en a la nécessité n'élimine pas toute présence de l'argent de la relation entre ces deux acteurs, compte tenu que le rapport social entre ces personnes-là, comme représentants de groupes sociaux distincts, est implicitement régi par le rôle social de l'argent qu'il soit présent ou pas dans le lieu de consultation. Il y a d'ailleurs plusieurs sortes de gratuité. Du dit tiers payant social, j'appelle comme ça les actes médicaux gratuits pratiqués par plusieurs médecins libéraux à la marge de leur activité principale. Donc du dit tiers payant social à ce que j'appelle la gratuité lucrative, où des avantages en nature disproportionnés sont cédés par le patient au médecin, en passant par la fausse gratuité du tiers payant généralisée de la loi Touraine, ou par les sponsorats des sociétés capitalistes lucratives. Disons en passant que ce que ici j'ai nommé gratuité lucrative constitue le prétexte éthique utilisé par des représentants conservateurs de l'ordre des médecins pour réclamer l'interdiction de la pratique gratuite de la médecine. Alors, dans tout ça, comment situer des pratiques militantes de la médecine rencontrées de plus en plus souvent dans des contextes qui deviennent de plus en plus fréquents d'une crise sanitaire et sociale qui tend à se généraliser. Les réponses à cette question nous sont livrées par les militants eux-mêmes, et notamment par ceux des dispensaires solidaires sociaux grecs que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Et donc, qu'en est-il de ces réponses ? Premièrement, il s'agit là de situations exceptionnelles ou extraordinaires, quand bien même la crise se pérennise dans le temps et s'étend dans l'espace. La perte d'autonomie de certains patients constitue aussi un autre aspect individuel de cette crise. Et le but de ces structures sanitaires militantes et autogérées est d'accompagner les patients vers un état d'autonomie leur permettant de s'adresser et de bénéficier d'un système de soins régulier et accessible le plus largement possible à toutes et à tous, hein, dans l'idéal. Ou alors de lutter pour la mise en place d'un tel système si un tel système n'existe pas. Deuxième réponse. L'engagement éventuel des patients dans des structures militantes, leur contribution à la reproduction sociale dès qu'ils pourraient réintégrer une activité productive, voire la simple participation au processus quotidien de vie de la société, pourrait être considérée comme un paiement différé de services dont ils ont bénéficié gratuitement. Paiement, pas de la personne qui les a soignés ou soutenus, mais du groupe social qui permet et soutient directement ou indirectement le fonctionnement de tels services gratuits et permet la continuation de nos vies individuelles. Disons pour conclure qu'il n'y a jamais de gratuité absolue, mais des gratifications de degrés et de temporalité divers associés à toute activité humaine, tout comme il existe dans notre vie des mixtes de liberté et de contraintes à proportions diverses. La tâche des militants est de prendre en compte tous ces éléments dialectiques dans la perspective d'une santé et d'un bien-être de toutes les citoyennes et citoyens et de la transformation radicale des rapports sociaux à travers des grandes ruptures ou des ruptures quotidiennes. Alors, comme je fais partie de Psy Soins Accueil, je vais rajouter quelques apports entre guillemets théoriques. Que, par exemple, la perception des êtres humains par leurs semblables a été profondément influencée ces 150 dernières années par une discipline qui s'appelle la psychanalyse. Ainsi, plusieurs catégories du politique et du social ont été enrichies d'une réflexion supplétive, la psychanalytique donc, nous permettant très souvent de tenir compte de manière salutaire de certaines nuances concernant, par exemple, le libre arbitre, le rapport à la liberté et à l'autorité, l'amour, l'argent et surtout le statut de l'expérience psychopathologique. Cependant, l'éthique psychanalytique ne peut en aucun cas se substituer à une éthique citoyenne. Alors Freud lui-même a été influencé par les travaux d'un philosophe allemand appelé Georg Simmel, notamment par l'ouvrage « La philosophie de l'argent ». Cette théorie, intéressante, mais une théorie essentialiste de Simmel, renvoie au concept de l'argent-objet et à son équivalence avec les contenus psychiques. Ces concepts ont été bien accueillis par Freud, qui les a transformés en outils censés faire progresser la cure psychanalytique individuelle. Et alors, on peut toujours virer l'eau du bain en gardant le bébé si on est suffisamment attentif. Il convient d'ailleurs ici d'évoquer le concept de la dite dette symbolique introduit par Lacan. Ce concept concerne l'impossibilité de tout dire par le langage, et notamment de dire ce qui est du domaine des pulsions. La dette est donc celle du grand autre, terme qui désigne le dépôt universel ou le trésor universel du langage, que le sujet névrosé s'approprie pendant la cure psychanalytique pour élaborer le savoir qui lui permettra de vivre avec, sans jamais pouvoir la payer, cette dette. Pour conclure une dernière fois, disons que chaque sujet humain récupère les outils intellectuels à sa disposition pour justifier de sa position au sein d'un groupe social dont les intérêts immédiats et les intérêts historiques sont définis par le processus social global. Cela s'appelle l'idéologie. Il existe par ailleurs une catégorie essentielle que la psychanalyse a mise en avant, plus particulièrement depuis l'enseignement de Lacan, qui s'appelle le désir. Acceptons de l'assumer jusqu'à ses limites. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la partie débat. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des remarques à faire sur ce qui a été dit? Oui, déjà une. Ouais, je t'ai écouté très attentivement, c'était intéressant. Concernant, j'ai deux questions en fait. Tu as parlé de la Grèce. Effectivement, la Grèce, tout le monde connaît la situation de ce pays, c'est catastrophique. Ce que tu as pas dit, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, une femme qui touche, entre guillemets, le chômage, ne peut pas se payer un accouchement en Grèce, parce que je crois que c'est à peu près 600 € pour accoucher en Grèce. Donc pour vous dire que tellement c'est catastrophique. D'où ma question, c'est que ce qu'on voit en Grèce, bah, c'est une situation, on va dire, assez extrême, vu la situation du pays. Donc est-ce qu'il faut attendre que le pays ou la région soit dans cette situation extrême pour pouvoir effectivement avoir des soins gratuits ou une espèce de solidarité au niveau des médecins? Voilà, donc ça c'est ma première question. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui me taraude, et je sais que c'est les médecins aiment pas du tout qu'on parle de ça, mais la différence entre un patient et un client. Puisqu'on sait également que malheureusement la médecine, bah derrière il y a du business aussi, il y a du pognon, il y a des laboratoires, il y a du lobbying. Et ça, c'est un, bah ça aide pas à ce que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire cette solidarité de la médecine, on va dire, classique. Voilà, donc avoir un petit peu ton point de vue sur ces deux sujets. Et puis du coup, je me permets de rajouter sur ta dernière question. Je voulais savoir ce que tu pensais aussi de l'utilisation maintenant du terme d'usager, du coup, dans la pratique de soins. Parce que c'est très polémique. Oui, oui. Bah oui, en effet, ce sont des positions très minoritaires au sein, pas que de la profession médicale, mais je dirais de l'ensemble de la des professions du soin que j'exprime ici. Pourquoi ? Bah parce que bon, y a un système où la médecine est intégrée, un système qui est fondé sur le profit, sur la marchandisation du soin, hein, de plus en plus. Alors patients, clients, usagers. Bon, c'est vrai que usager, moi je pense. Bon, client, c'est un gros mot, hein. C'est personne ne l'utilise ouvertement. Alors, usager, effectivement, ça renvoie au concept d'un soin qui s'apparente à une quelconque activité de consommation, ce que, en effet, je pense que ce n'est pas une quelconque activité productive ni une activité de consommation. Donc je suis assez réticent à l'utilisation de ce terme. C'est un terme qui est venu avec le néolibéralisme, avec tout ça, la privatisation des services. Ça s'utilise, c'est d'usage. Et patient, en effet, alors là, c'est... Il cesse d'être patient quand il commence à s'impatienter, hein, moi je répondrai comme ça. Et voilà l'expérience des structures autogérées met en évidence le moment où parfois des patients décident de devenir acteurs du soin. Et enfin, dans mon idée, c'est que tout le monde devrait s'approprier sa santé, pas seulement sur le plan individuel, mais aussi sur un plan collectif par des structures démocratiques. Voilà. Et alors la situation en Grèce, effectivement, alors quand je parle de gratuité, attention, je ne parle pas du cas de figure où le patient ne paye pas pour sa consultation, parce qu'il y a quelqu'un qui paye de toute façon, ce ne sont pas des soins gratuits. Le tiers payant généralisé qu'instaure la loi Touraine actuelle n'est pas un soin gratuit. C'est un tiers qui paye. Après, il y a tout débat. Personnellement, je suis pour, mais pas avec les dispositifs, pas de la manière dont ça a été mis en place. Et là aussi, on est assez minoritaire à soutenir cette position. Alors, la gratuité, là où, par exemple, dans les structures grecques, il y a des centaines de personnes, qu'ils soient professionnels de différentes professions ou de simples citoyens, qui offrent de leur temps sans aucune contrepartie, sans aucune rémunération. Et donc ça, c'est une situation qui ne peut pas être la règle. Ce n'est qu'une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, le cas de figure que tu viens d'évoquer sur les femmes qui ne peuvent pas accoucher dans les hôpitaux, ce n'est plus tellement d'actualité, puisque le gouvernement actuel a fait passer une loi qui autorise l'accès aux services de soins à un très grand nombre de citoyennes et citoyens qui étaient exclus jusqu'ici. Cependant, il reste toujours un nombre de gens, de citoyens, qui se trouvent toujours exclus. Et donc, la situation exceptionnelle se poursuit. Mais c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de telle situation en France aussi. Parce qu'en France aussi, il y a des territoires, voire même des situations individuelles, malheureusement de plus en plus nombreuses, où les personnes, pour toute une série de raisons, ne peuvent pas accéder aux soins. Et ce sont pour moi des situations extraordinaires. Et le cas de certains patients, par exemple, en France ou ailleurs, qui n'ont pas une telle autonomie qui leur permette même de formuler une demande de soins, est aussi une situation exceptionnelle. Et il y a aussi en France pas mal, il y a quelques initiatives dans ce sens, de centres d'offres de soins gratuites, ça va centres, il y a des centres municipaux de santé qui fonctionnent sans paiement, où les médecins sont salariés, mais il y a même aussi deux ou trois, à ma connaissance, initiatives de centres de santé qui ressemblent pas mal dans la philosophie avec le concept des dispensaires sociaux solidaires, dont un à Poitiers que j'ai eu connaissance, qui s'appelle le centre des trois cités, qui a été créé dans une zone périurbaine. Donc il y a d'autres questions ? En fait, je voulais revenir sur la question précédente par rapport à la gratuité. Si j'ai bien compris, vous êtes pour la, enfin, vous êtes contre la marchandisation de la médecine. Donc, est-ce que vous êtes pour la gratuité? Mais par contre, vous critiquez vous êtes pour la loi Touraine, mais c'est pas tel que vous souhaiteriez que ça soit. Donc, en fait, vous êtes contre la fonctionnalisation des médecins. Et dans ce cas-là, quel est le modèle précis que vous défendez, en fait, vous? La fonctionnalisation des médecins, c'est un fantasme qui circule en France depuis le début du XXe siècle, depuis 1924, quand il y a eu les premières lois sociales. Je crois que c'est un terme qui ne convient pas et ce n'est pas du tout ce qu'implique la loi Touraine. Moi je serais, parce que là on parle de la médecine de ville, hein, la médecine de l'hôpital on laisse de côté car les médecins ils sont généralement salariés. Moi je serais par exemple pour un système où les médecins généralistes seraient rémunérés par dossier de patients suivis de façon régulière et stable, voilà, et pas à l'acte. C'est un point de vue personnel. Au forfait. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur le sujet ou a une question ? Non. Est-ce que c'est possible ? Une question toute bête, mais dans quelle mesure c'est possible vraiment d'arriver à ce que tu souhaiterais en fait ? Bon, d'après ce que j'ai dit dans mon texte, moi je suis pour un changement, une transformation radicale de la société où l'argent, en fait, on pourrait même dire l'argent n'existerait plus, en tout cas l'argent sous la forme actuelle n'existerait pas. Car ce serait une société où les rapports de classe seraient tout à fait différents. Il n'y aurait pas une classe dominante qui aurait la propriété de la quasi-totalité des moyens de production. Et donc, comme il n'y aurait pas cette division du travail et des richesses, bien sûr, il y aurait une forme d'échange entre les citoyens, entre les prestataires de services, les consommateurs, les patients, les médecins, tout ça. Sauf que ce ne sera pas l'argent tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Ce serait une autre forme de monnaie, entre guillemets. Et je crois que pour arriver à une telle forme de société, ça ne peut pas se faire de manière linéaire ni très vite, hein. Je pense qu'il faudrait prévoir toute une série d'étapes avec éventuellement des ruptures qui pourraient éventuellement être douloureuses pour certains groupes sociaux, notamment pour les groupes des possédants. Okay, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une question ? Ouais. Oui, moi j'avais ma question était plutôt sur la dernière partie en fait de ton intervention, sur ce que tu disais par rapport à l'impact positif ou de la psychanalyse. Moi, je me demandais si ça n'avait pas aussi favorisé, mais dans le sens, enfin, à contre-coup, je pense de ce qui était dans les principes de la psychanalyse, que du coup ça sortit un petit peu la psychiatrie d'un monde fermé d'un côté. Mais aussi, est-ce que du coup, ça n'a pas augmenté le nombre de petites pathologies qui sont passées dans le médical ce qu'on appelle la psychopathologie du quotidien, mais que du coup, finalement, ça n'a pas été vers plus de normes, en fait. C'est un peu ma question. Plus de normes, ouais. Oui, moi, je suis d'accord que c'est celui-là l'impact positif principal de la psychanalyse, c'est qu'il a fait sortir la psychopathologie des murs de l'asile. J'ai pas émis de jugement sur sa contribution globale positive ou négative. J'ai juste dit que ça a apporté certaines nuances qui peuvent nous être utiles dans la gestion de certaines situations. Je ne pense pas que la psychanalyse soit responsable de la... de cet impérialisme normatif auquel on atteste aujourd'hui, parce que ça ne concerne pas que les dites maladies mentales, qu'après on peut discuter qu'est-ce que c'est comme maladie, ce sont des maladies comme des autres, mais ça concerne des tas de choses, hein, depuis, disons, l'orthopédie, vous avez une jambe qui a 5 mm de plus que l'autre, vous êtes considéré comme malade devant subir une intervention, l'esthétique... Tout est normé, je ne pense pas que la psychanalyse soit responsable de cette dérive, tout au contraire, c'est plutôt la psychanalyse qui a fait accepter la normalité au sein de nos sociétés qui ont toujours été très normatives par ailleurs. La psychanalyse a mis en évidence que des situations comme des situations de décrochage, si vous voulez, avec la réalité dont peuvent faire l'expérience certaines personnes, comme la rêverie prolongée ou les actes manqués ou des tas d'autres phénomènes de ce domaine-là, ne sont pas en soi des maladies qui distinguent les personnes, les manifestants des autres, mais ce sont des phénomènes qu'on peut rencontrer chez toute personne, quel que soit son âge ou son statut social. N'hésitez pas à vous rapprocher, venir vous asseoir. Hein, voilà. Alors, je trouve très intéressant l'idée du forfait que vous avez proposé après réflexion. C'est vrai que moi je trouve que ce serait vraiment une très bonne idée en fait. Et pour venir à Marx en fait et à la société que vous proposez, enfin que vous souhaitez, concernant justement la propriété des moyens de production. Parce que Marx justement préconise de socialiser ses moyens, donc de déposséder en fait les bourgeois et de transférer donc toute cette propriété à l'État en fait. Et donc malheureusement avec les travaux de Marcuse, on a vu ce que ça a donné avec la bureaucratie, parce que du coup les bureaucrates ont remplacé les bourgeois et puis l'ouvrier il est resté aliéné et dépossédé de son outil de travail. Donc vous sur ce point-là, est-ce que vous avez une autre approche Alors déjà, la question du forfait, c'est pas quelque chose qu'on a inventé ici. C'est un mode de rémunération qui se pratique, qui s'est pratiqué et qui continue à se pratiquer dans nombre de pays, y compris des pays capitalistes comme la Grande-Bretagne, les pays scandinaves et d'autres. Alors pour la socialisation des moyens de production et la deuxième réponse... Moi, je pense que après la révolution russe et surtout après la prise de pouvoir par Staline, il y a une lecture très restrictive de Marx, se focalisant uniquement sur la question de la propriété des moyens de production. Or, la question n'est pas uniquement là. C'est aussi dans la distribution du pouvoir, dans la possibilité pour chaque citoyen d'accéder à une série de choses, dont au pouvoir par le biais d'une démocratie participative, voire directe, ce qui n'a pas été du tout le cas dans les pays où le dit socialisme réel a été appliqué. La socialisation des moyens de production, ça ne veut pas dire forcément l'étatisation. Ça peut prendre toute une série de formes distinctes, allant de la propriété coopérative jusqu'à je ne sais pas. Mais ça c'est une très grande discussion, en tout cas. Et alors surtout, ce qui n'a pas du tout été pris en compte par le marxisme soviétique, c'est la répartition du rôle dans une société, c'est-à-dire la division de pouvoir entre un dirigeant et un ouvrier, entre un médecin et le patient, entre un enseignant et un élève. Et donc il y a eu une reproduction de l'ancienne structure autoritaire du capitalisme avec un renforcement du pouvoir économique de l'État, ce qui a donné les dérives malheureuses que nous connaissons par l'histoire. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste du domaine, donc je n'ai pas très bien compris l'intérêt du forfait par rapport à la rémunération, à l'acte. Est-ce que du coup, il n'y a pas des dérives du type on est obligé d'aller chez tel médecin parce que notre forfait est à tel endroit, ou quels sont les avantages et inconvénients des deux systèmes? Merci. Ah oui, vous l'avez cité, hein, il y a forcément une contrainte. Hein, avec un système de forfait, le libre choix du médecin par le patient est quelque peu limité, ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible. D'ailleurs, je trouve le système actuel instauré par la loi Touraine beaucoup plus contraignant à la fois pour le médecin et pour le patient qu'un système où, par exemple, on déclarerait un médecin traitant qui vous inscrirait dans sa file active et qui serait rémunéré de manière forfaitaire. Mais bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients dans toute proposition. Là, si vous voulez, l'inconvénient du système... Il y en a beaucoup, hein. C'est que par exemple un des inconvénients, c'est que les médecins sont poussés par le système actuel pour effectuer de plus en plus d'actes, parfois même des actes inutiles, il faut le dire. C'est pas, ils le font en toute bonne conscience, hein, tant pis pour nous. Ce sont des actes qui alourdissent assez souvent la facture de la sécurité sociale et qui en même temps augmentent le risque d'iatrogénie pour les patients, c'est-à-dire que si vous avez une ordonnance tous les 3 mois et qui en plus vous consommez tous les médicaments qui sont inscrits sur cette ordonnance, moi, je pense que vous avez plus de risques de tomber malade que si vous étiez simplement soigné pour les vraies maladies que vous avez. Hein. Sans parler des interventions chirurgicales, parfois, qui se font... mais après, c'est la logique de l'hôpital. Malheureusement, là aussi, la tarification à l'acte s'est imposée, ce qui fait qu'il peut y avoir aussi pas mal d'abus à ce niveau, notamment en matière de césarienne, d'appendicectomie, voire d'autres interventions. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Aux dernières nouvelles, les médecins sont des libéraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Les médecins, c'est une profession libérale, oui, mais ça ne veut rien dire. Hein, c'est juste un mot, ça. C'est parce que voilà, c'est une terminologie qui remonte au Moyen Âge où il y avait les arts libéraux et les arts versus les arts cléricaux, etc. Mais c'est vrai aussi que la médecine telle qu'elle a été pratiquée, surtout à partir du 19e siècle, enfin, et telle qu'elle a été promue hein, à partir du 19e siècle, c'était une médecine avec où le corps médical était porteur d'une idéologie libérale très forte, c'est-à-dire le contrat gré à gré, le paiement à l'acte et le libre choix. Et tout ce qui sortait de ce cadre était considéré comme une entorse à la déontologie. Et il y a certains représentants, même aujourd'hui, du Conseil de l'Ordre des médecins et des conseils départementaux qui partagent toujours cette conception. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une intervention à faire? Enfin, non, il nous reste à peu près un peu moins d'un quart d'heure, donc... On peut encore prendre quelques questions et puis vous laisser conclure, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, du coup, si personne n'a quelque chose à demander. Quelque chose à rajouter, non? Ah, mal. Puisqu'on continue, le tiers payant pour tous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pour le tiers payant pour tous. Hein. Je pense que les frais médicaux de nous et de tous nos concitoyens malades doivent être pris en charge par l'ensemble de la société, car la santé est un bien commun. Et si votre voisin tombe malade, vous risquez aussi d'être malade ou de ne pas bien vous porter. Hein, même si vous ne faites pas partie de la même famille. Ceci dit, ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers payant généralisé, ce qui est instauré par la dernière loi santé, celle de Marisol Touraine, ne correspond pas, à mon avis, vraiment à ce modèle, parce que il y a une prise en charge obligatoire par les mutuelles qui sont des entreprises privées, et alors ça devient très compliqué parce que bon, il y a des gens qui ont une mutuelle, d'autres qui n'en ont pas, il y en a même qui ont une mutuelle sans avoir la sécu, mais enfin bon, ça c'est des cas exceptionnels. Et si le médecin doit à chaque fois vérifier toute cette logistique avant chaque consultation, ou après, déjà, il n'a pas suffisamment de temps à consacrer à l'examen et aux soins de ses patients. C'est un des inconvénients. Il y en a d'autres aussi, hein, mais... Juste une observation, par exemple, mon propre médecin veut pas appliquer, il m'a fait payer 23 euros, point barre, et à moi de me faire rembourser. Je suis pas. Si vous le dites, c'est que ça doit exister. Alors je ne sais pas si la loi autorise hein, une telle pratique. Hein. Mais je peux vous dire que. Dans les années 1920, dès qu'il y a eu les premières lois sociales de la santé, il y a eu une fronde massive de tous les médecins de France pour ne pas obéir et ne pas appliquer la loi. Donc c'est une vieille tradition. Hein. C'est une tradition qui va pas vraiment dans le sens de l'intérêt général, ni dans l'intérêt des patients. D'autres questions? Ah, il y a le... Oui, juste pour faire remarquer sur l'étatisation que le système de sécurité sociale en France n'est pas un système étatisé. C'est un système dont veut s'approprier l'État puisqu'il le même met dans la dette publique. Hein, bon. Mais la sécurité sociale, c'est un organisme indépendant de l'État qui est financé par ses cotisants. Alors après qu'il y ait des débats sur l'assiette de cotisation pour que la sécurité sociale puisse fonctionner est une chose. Mais normalement, il y a une réappropriation de la sécurité sociale à se faire de ce point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un système de médecins salariés qui ne soit pas forcément fonctionnaire de l'État. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, mais ils sont souvent assimilés fonctionnaires bon, hein, au niveau du statut, des cotisations, etc. Bon. Donc je pense que la question de l'étatisation, elle est effectivement à rejeter. Hein. Elle est à rejeter parce qu'il faut défendre un principe indépendant, hein, collectif, géré par les gens qui sont cotisants et qui bénéficient du système qu'ils ont construit. Quoi. Et dans ce point de vue, on est hors également du système assurantiel, hein, puisque cette cotisation... Elle fait partie déjà du salaire. Hein. La cotisation, c'est du salaire différé. C'est une partie du salaire hein, qui est versée et par le travailleur et par le patron. Hein. Donc ce système-là est un système de justice sociale, on pourrait dire. Hein. Euh, Moi, j'ai la conclusion, je l'ai dit au début, hein, rendez-vous au mois de septembre pour la continuation de tout ce mouvement de réappropriation des places publiques avec de nouveaux éléments, avec des éléments de réflexion qui nous permettront d'agir et d'intervenir dans toute une série de domaines, dont dans le domaine de la santé et de l'accès gratuit et universel à tous les services publics. Une autre question ? Non, c'était juste une question justement pour les luttes à venir en fait. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quels sont les enjeux de pouvoir qui existent au niveau de la santé et contre quoi en fait vous battez finalement ? Comment la lutte se passe ? Il y a des luttes, hein. Il y a des luttes assez disparates, hein, des fois, avec des objectifs qui ne convergent pas toujours. Disons que la dernière étape, celle qui s'est clôturée il y a deux semaines, je crois, c'était la lutte contre... C'était une lutte contre un aspect très particulier de la loi Touraine qui concerne les groupements hospitaliers de territoire, en acronyme GHT. C'est un dispositif qui conduit à la fusion administrative de plusieurs hôpitaux en une seule entité, ce qui crée vraiment des mammouths administratifs où la place du soin et du patient est vraiment écrasé, hein, puisque quand je dis nous, ce sont mes collègues et tous les groupes qui sont dans cette mouvance. J'ai perdu le fil là. Je disais que la place du patient et du soin est complètement laminée dans ces grandes structures. Pour vous donner une idée, jusqu'à présent, un secteur sanitaire, c'était à peu près en moyenne en France, on va dire, 100 millions d'habitants. Avec ces nouvelles hyperstructures, les groupements hospitaliers de territoire, les GHT, l'aire de compétence, ça concerne entre 1 et 2 millions d'habitants. C'est pour vous dire l'échelle de cette centralisation. Et je suis plus que méfiant, je suis quasiment certain que le but de ces remaniements administratifs, c'est, d'ailleurs c'est avoué hein, par le gouvernement, c'est la suppression de moyens sous l'euphémisme mutualisation, mais on voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un petit peu comme la loi travail, hein, où... on peut demander à un salarié de faire n'importe quelle tâche au sein de son entreprise. Ce sera pareil dans le système hospitalier. On pourrait muter les soignants d'un établissement à l'autre, voire en remplacement pour 24 heures. Donc c'est un projet qui est totalement absurde. Il y a une seule logique, c'est l'économie de moyens. Il y a une seule logique... l'austérité budgétaire, qui n'est pas avouée, mais il faut être vraiment très naïf pour ne pas voir ça. Et la petite victoire qu'on a su arracher il y a 3 semaines, c'est que un certain nombre d'établissements ont obtenu le droit de déroger à cette fusion hospitalière. À peu près 11 établissements, dont je crois 9 ou 10 des établissements psychiatriques, qui ont fait valoir un caractère spécifique de la discipline pour déroger. Mais vous voyez, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan quand on voit l'ampleur de ce qui se prépare. Ceci dit, on a été les seuls à réagir de manière, même si on a pris beaucoup de retard, mais de manière coordonnée et assez dynamique. Et on a obtenu une victoire, ce qui... doit nous servir de leçon à nous tous pour nous dire que si on ne lutte pas, si on ne résiste pas, on n'aura rien. On sera écrasé de plus en plus. En revanche, si on lutte, on a peut-être des possibilités d'obtenir quelques victoires. Et à la rentrée, nous allons continuer le combat. Et d'ailleurs, les établissements qui ont obtenu cette dérogation, qui est provisoire pour certains, voire elle est provisoire pour tous, hein, on est en voie de constituer un collectif, une coordination transversale qui va intervenir non pas seulement sur des questions d'administration hospitalière, mais aussi sur des questions plus larges de contenu et d'orientation des soins. Bon, du coup, on considère que c'était la conclusion ou il y a d'autres questions? Non? Une fois? Non, c'est bon. Bon, bah, merci beaucoup, alors. Bah, merci, Donc, du coup, c'est Alex qui va prendre la suite. Donc, bah, je te laisse toi-même annoncer ton...